Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. L'histoire, c'est drôlement chouette, oui, parce qu'elle permet de replacer sur le temps long ce qui nous paraît être une évidence et qui d'un coup ne l'est plus. L'histoire, c'est drôlement chouette parce que nous pouvons regarder notre monde à travers le prisme d'autres civilisations. Voilà de quoi chambouler nos idées reçues. La propriété privée, par exemple, elle semble une évidence et pourtant, ça n'a pas toujours été le cas, ni chez nous, ni ailleurs. La propriété privée est un objet historique. En 1840, l'anarchiste Pierre-Joseph Proudhon faisait mouche avec une formule restée célèbre « La propriété, c'est du vol ». Et il précisait déjà avoir la certitude de ne pas être entendu. D'ailleurs, qu'est-ce que la propriété privée ? Qu'est-ce que la propriété privée dans un contexte de crise environnementale ? Est-il possible de posséder la nature ? Ah, et vraiment, la question se pose. Oui, l'histoire, c'est drôlement chouette. Cette semaine, le cours de l'histoire s'intéresse aux relations étroites que l'homme, les femmes entretiennent avec la nature. Et aujourd'hui, nous allons nous interroger sur la notion de propriété. La propriété, c'est sacré. La propriété et l'environnement. Avec vous, Fabien Locher, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien chargé de recherche au CNRS. Vous travaillez sur l'histoire environnementale des mondes contemporains. Et également est avec nous Alessandro Pignocchi. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait des recherches en sciences cognitives, en philosophie. Vous êtes auteur de bandes dessinées. Le support n'est pas le même, mais la réflexion est là. Et vous allez nous donner tout à l'heure une vision du monde par le truchement d'un ethnologue Givaro, et ça picote, ça fait du bien. Et en fin d'émission, nous allons retrouver Anaïs Quien. Anaïs Quien avec, comme tous les jours, sous le bras, son journal de l'histoire. Anaïs qui prépare également cette émission, notamment la programmation. Anaïs, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Derrière vos postes également, aujourd'hui on parlera mafia et ascenseur social. Ouh, mafia et ascenseur social, c'est le journal de l'histoire. À tout à l'heure, Anaïs. Mais pour le moment, nous allons retrouver Jean-Jacques Rousseau, oui, Jean-Jacques Rousseau qui, en 1755, écrivait son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Jean-Jacques Rousseau, lu par Elsa Dupuis, cette première phrase est terrifiante. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Jean-Jacques Rousseau. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « gardez-vous d'écouter cet imposteur ». Vous êtes perdu si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. Mais il y a grande apparence qu'alors les choses en étaient déjà venues au point de ne pouvoir plus durer comme elles étaient. Car cette idée de propriété, dépendant de beaucoup d'idées antérieures qui n'ont pu naître que successivement, ne se forma pas tout d'un coup dans l'esprit humain. Dès l'instant qu'un homme eut besoin du secours d'un autre, dès qu'on s'aperçut qu'il était utile à un seul d'avoir des provisions pour deux, l'égalité disparut, la propriété s'introduisit, le travail devint nécessaire, et les vastes forêts se changèrent en des campagnes riantes qu'il fallut arroser de la sueur des hommes, et dans lesquelles on vit bientôt l'esclavage et la misère germer et croître avec les moissons. Fabien Locher, nous venons d'entendre un extrait de Jean-Jacques Rousseau qui explique l'origine de la propriété d'une manière assez sombre. La propriété, propriété privée, c'est bien un objet historique, ça date de quand ? Alors effectivement, la propriété privée est un objet historique particulièrement important, hein, puisque il me semble que la propriété est peut-être une des institutions les plus puissantes, les plus résilientes de la modernité. Donc c'est un enjeu pour les historiens que de s'emparer de cette thématique de la propriété. Il est difficile de dater l'origine de ce qu'on peut appeler la propriété privée. Un moment important, en tout cas, c'est... pour le cas français, la Révolution française, qui est un moment vraiment où on a un basculement vers un nouveau monde, j'allais dire, de la propriété, avec la volonté de toute une partie du camp révolutionnaire de refonder des formes de possession qui soient à la fois individuelles et exclusives. Vous avez co-dirigé avec Frédéric Grabert Procédé la nature, environnement et propriété dans l'histoire. C'est aux éditions Amsterdam. Vous dites bien que cette propriété privée est une fiction, en fait. C'est une construction intellectuelle. La propriété privée est une construction alors intellectuelle, culturelle, mais aussi matérielle. C'est-à-dire il y a des infrastructures de la propriété. La propriété, c'est pas simplement un papier sur lequel je noterai mon nom et mon bien. C'est aussi des machines, des réseaux, des bases de données, une infrastructure matérielle, tout un monde institutionnel aussi, qui fait qu'à un moment donné, eh bien, je peux, comme le dit Rousseau, dire voilà, ceci est à moi. Ce qui est une question terrible. Ceci est à moi. Il y a des résistances. Enfin, j'ai évoqué Proudhon, l'anarchiste Proudhon, qui dit la propriété c'est du vol. Il n'est pas entendu. L'idée qui prend le dessus, c'est celle qu'on va retrouver du côté révolutionnaire de ces bourgeois révolutionnaires, c'est que la propriété est sacrée. Alors effectivement, le 19e siècle peut-être est le siècle qui a sacralisé la propriété au plus haut point. On a vraiment toute une nappe de discours, mais aussi de lois et de mesures concrètes, y compris de police, pour assurer, construire, fabriquer cette forme exorbitante de possession qu'est la propriété privée exclusive. Pour les hommes du 18e siècle, la propriété privée telle qu'on l'entend aujourd'hui aurait semblé extravagante. Parce qu'au XVIIIe siècle, sous l'Ancien Régime, plus généralement, les formes de possession sont croisées. On a le droit d'aller chercher du bois dans une forêt qui, par ailleurs, appartient à un seigneur, mais forêt sur laquelle d'autres communautés ont des droits. Enfin, c'est un ensemble de droits d'usage croisés. Ce sont les communs, c'est ce qu'on appelle les communs. C'est quelque chose qui est complètement oublié ou en grande partie oublié. Vous pouvez nous rappeler, Fabien Locher, ce que c'était cette pratique des communs. On avait le droit d'aller en fait sur des portions de terrain qui appartenaient à tout le monde, à la communauté. Alors les communs, c'est quelque chose qui a été longtemps très important pour les communautés rurales, notamment européennes, mais pas seulement. C'est l'idée que, essentiellement, il y a deux sortes de communs. Soit il s'agit de forêts, de marécages, de pâturages possédés collectivement par les communautés, qui sont là des biens collectifs. Ou alors il s'agit de droits d'usage, c'est-à-dire effectivement, un seigneur possède une forêt, mais la communauté a le droit d'aller y chercher des champignons, d'aller chasser. Et ces droits sont des droits qui peuvent être formels, c'est-à-dire mis par écrit, ou informels, mais qui ont quand même valeur devant les tribunaux, une valeur de droit qu'on peut faire valoir, y compris en justice. Et donc ces communs étaient très importants parce qu'ils permettaient, comme Karl Polanyi, l'historien Karl Polanyi l'avait souligné notamment, ils servaient de filet de sécurité pour les pauvres. Lorsque, par exemple, les récoltes manquaient, eh bien, on pouvait malgré tout aller se nourrir des champignons, des animaux chassés ou bien du poisson pêché dans le marais. On pouvait vivre grâce au bois ramassé. Et la construction de la propriété privée, cela a été aussi beaucoup l'effort des tenants de la propriété privée pour abolir ces communs. Cette propriété privée telle qu'elle nous intéresse aujourd'hui, est confrontée à l'environnement. Et d'ailleurs, Fabien Locher, c'est le thème de votre recherche, environnement et propriété privée. Et cette notion d'environnement, faut bien la resituer, c'est-à-dire qu'on évoque ici que la propriété privée se met en place au 18e et s'impose à la Révolution pour alors devenir complètement sacrée au 19e siècle. Mais le 18e siècle pour l'environnement est aussi un moment intéressant tel que vous l'avez étudié. Il y a une conscience environnementale, j'utilise un mot très contemporain, mais certains ont déjà l'idée qu'il faut protéger notre environnement. Alors effectivement, les travaux de nombreux historiens en France et dans le monde de ces dernières années ont montré que l'Ancien Régime n'était pas du tout un monde où on n'avait aucune préoccupation pour l'environnement, les ressources. Et pour une raison qui est assez simple, c'est que simplement, c'est une société essentiellement agraire où la question de la subsistance se pose. On a évidemment tout intérêt à sauvegarder les ressources, à sauvegarder leur durabilité. Mais ceci dit, c'est vrai aussi en ville. Des historiens comme mes collègues Thomas Leroux, Jean-Baptiste Fressoz ont bien montré que, par exemple, à Paris au XVIIIe siècle, on a des procès de riverains qui se plaignent des pollutions des usines qui, à l'époque, qu'on appelle fabriques à l'époque et qui sont à l'époque implantées au cœur de Paris. Et donc, il y a un ensemble de préoccupations qui fait que ce qu'on appelle la réflexivité environnementale des sociétés est réelle. réel hein, sous l'Ancien Régime. On n'a pas besoin d'attendre les années 1970 pour voir des discours sur l'épuisement des bancs de poissons, sur la pollution industrielle ou sur la destruction des forêts françaises. Fabien Locher, oui, vous avez raison de souligner ça parce qu'on n'est pas à ce moment-là dans une réflexion théorique. Pour les gens, c'est concret. On pêchait, il y avait du poisson, puis là on constate qu'il y a un peu moins de poisson. Donc il se passe quelque chose dans l'environnement, faut peut-être protéger l'environnement. Il n'y a pas de réponse, j'imagine, évidente, où il commence à y avoir une réflexion. Je parle toujours de cette notion de pouvoir et de propriété. Est-ce qu'il y a une réponse qui vient du haut ? Alors d'abord, effectivement, vous avez raison de souligner, c'est une forme d'environnementalisme que les spécialistes, notamment de l'Inde coloniale, ont appelé l'environnementalisme des pauvres. C'est pas l'environnementalisme des grands lanceurs d'alerte de la presse américaine des années 70, c'est un environnementalisme qui est très lié à la question de la subsistance, au fait de devoir survivre à l'année agricole qui va venir. C'est un environnementalisme qui est ancré dans les existences et qui est, j'allais dire, existentiel au sens de la survie. Et alors, dès le XVIIIe siècle, effectivement, le pouvoir royal, parce qu'il a cette prérogative de protection, on pourrait dire, de sa population, prend des mesures. Hein. On sait que dans Paris, au XVIIIe siècle, les commissaires de police étaient très attentifs hein, aux questions des pollutions industrielles et artisanales. On a tout un ensemble de législations sur la taille des filets de pêche au XVIIIe siècle, des législations qui sont prises par les autorités royales. Donc on a des mesures hein, qui sont prises au plus haut niveau et jusqu'au niveau des administrations, inférieures, pour protéger les ressources, contrôler les activités et éviter surtout que se manifestent des mouvements de violence hein, qui opposeraient riverains et industriels ou pêcheurs contre pêcheurs. Et donc il y a aussi il faut aussi garder en tête que la question environnementale, elle n'est jamais, j'allais dire, pure. Elle n'est jamais pure, elle est toujours mêlée à des enjeux qui sont des enjeux de subsistance, de maintien de l'ordre, d'affirmation du pouvoir étatique, parce que le pouvoir étatique, notamment royal, s'affirme aussi par les mesures de conservation, notamment forestières. Donc il y a une espèce d'intrication qui rend cette thématique environnementale, j'allais dire, plus intéressante encore pour les historiens. Et quand la propriété privée s'impose, les choses changent. En quoi le fait qu'il y ait une propriété privée qui devient l'élément majeur de la structure sociale, mais même, j'ai envie de dire, des paysages, en quoi cette propriété privée transforme radicalement la manière d'appréhender l'environnement ? L'émergence de la propriété individuelle et exclusive, elle transforme le rapport à l'environnement, puisque on peut dire que c'est un rapport désormais cadastral, géométrique, qui s'instaure, et cela place en quelque sorte la cosmologie des sociétés dans une espèce de face-à-face entre l'individu, qui triomphe au même moment, et la nature, mais la nature vue comme appropriable, cadastrable, découpable en morceaux géométriques. On parlera tout à l'heure du naturalisme, de cette cosmologie que Philippe Descola a décrite et qui est la cosmologie de l'Occident. L'émergence de la propriété privée fait partie de l'émergence et de l'affirmation définitive du naturalisme, au sens où, ça y est, la nature est vue comme cet objet inerte qu'on peut s'approprier et qui se trouve désormais dans un face-à-face avec une foule d'individus. C'est pas la vision qu'avaient les gens dans un régime. Et vous venez de le dire, on peut désormais posséder la nature dans l'esprit de beaucoup de gens. La nature peut être possédée et la propriété est sacrée. Elle est sacrée et elle est sacrée à travers le temps, même quand il y a des expériences alternatives. Et je pense à ce qui se passe en URSS, où on pourrait imaginer que la propriété va disparaître. Mais non. Écoutez ce que disait René Cassin, nous sommes après la Seconde Guerre mondiale, quand il réfléchit à la mise en place de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je voudrais dire enfin quelques mots du droit de propriété. Celui-ci, qui a été proclamé par la Déclaration de 89, par réaction contre l'époque féodale, comme un des droits fondamentaux à côté de la liberté et de la sûreté, n'a pas eu dans notre déclaration une place très grande ni donné lieu à des discussions très vives. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a eu une sorte d'accord tacite pour que chaque système pût continuer à dominer dans sa sphère. Les délégués américains et soviétiques ont admis que dans chaque pays, la détermination des biens soumis à la propriété privée ou collective soit laissée à la loi nationale. On s'est borné à dire « Toute personne a le droit de posséder des biens, aussi bien seule qu'en collectivité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. » René Cassin en 1949, qui constate qu'en fait, il y a unanimité des grandes puissances occidentales et même du côté du bloc de l'Est pour qu'il y ait une propriété donc en fait une possession de la nature. Et Fabien Locher, vous l'analysez dans Posséder la nature, environnement et propriété dans l'histoire, cette nature sauvage que maintenant on peut posséder devient complètement rationalisée. Tout est pensé pour faire de la nature notre objet. Ça a des conséquences environnementales. Alors effectivement, c'est un processus qui est fondamental, qu'on peut appeler en français marchandisation, pour traduire l'anglais de commodification, la fabrication des marchandises. La question est la suivante, comment est-ce que je transforme une nature qui est autonome en quelque sorte, en un bien qui peut être échangé sur un marché et qui peut être soumis à des formes de propriété. Et là, c'est un ensemble de processus assez compliqués, des processus de type juridique, matériel, sociaux, qui permettent de faire cela. Alors, il y a un certain nombre d'exemples que nous donnons avec Frédéric Grabert dans notre livre « Posséder la nature ». C'est notamment l'exemple des plantes, comment s'approprier des plantes. Alors, on connaît aujourd'hui le fait qu'on brevette des ADN de semences, donc ça date à peu près des années 1980, mais dès le 19e siècle, on essaie de s'approprier des fruits, des légumes, des semences. Par exemple, aux États-Unis, comme le montre l'historien David Kevles, on essaie de déposer des marques de fruits, et on y réussit d'ailleurs, c'est une forme d'appropriation par la marque. On peut aussi essayer de faire cela de façon différente, en essayant, par exemple, pour les animaux, de créer ce qu'on appelle les stud books, c'est-à-dire des livres des races animales qui permettent de placer ses propres animaux dans une espèce de hiérarchie des qualités animales et donc de leur donner une valeur, et notamment une valeur reproductive. Donc il y a tout un ensemble de techniques qui permettent de produire de la marchandisation. L'exemple le plus radical, c'est celui des semences. Pour marchandiser les semences, il faut qu'elles soient stables, il faut qu'elles soient homogènes, il faut qu'elles répondent à des critères. Dans les années 20, dans les années 30, les États européens ont décidé qu'il y a un certain nombre de semences qui sont autorisées à la vente et d'autres pas. Et donc, pour marchandiser les semences, pour faire un marché des semences et une propriété sur les semences, on se limite à un tout petit nombre de semences et on se retrouve avec du blé qui est tout à fait particulier. Et dans la gamme des blés disponibles, bien la diversité a complètement disparu. On a quelques types de blé, comme on aura plus tard quelques types de tomates. Et ça, c'est un effet écologique de la marchandisation. Fabien Locher, peut-on dire donc que la propriété privée engendre, par sa nature même, la destruction ? Alors, ce serait un peu radical ou simpliste de dire cela, d'autant qu'il y a des gens qui prétendent aujourd'hui protéger la nature par la propriété. On a un exemple récent dans le Vercors où une association veut acheter un bout de nature pour en faire une réserve sauvage. Donc, les relations entre propriété et environnement sont complexes, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'un certain type d'appropriation privative et exclusive de l'environnement a des effets écologiques néfastes, en même temps que des effets sociaux néfastes. Puisque je pense que c'est toujours important de garder cette espèce de, en tête cet entrelacement entre des effets écologiques et des effets sociaux. On a l'exemple des communs. Enclore les communs, c'est à la fois exclure les plus pauvres des ressources qui leur permettent de vivre, c'est en même temps assécher des marais, des tourbières, détruire des forêts. Donc ce sont des effets qui sont conjointement écologiques et sociaux. Et je pense qu'une véritable pensée environnementale est une pensée qui lie toujours, du moins c'est notre credo avec mon collègue Frédéric Grabert, qui lie toujours ces deux dimensions, c'est-à-dire l'accès aux ressources pour tous les individus d'une société, et par ailleurs la bonne santé, j'allais dire, de ces ressources et de cette nature qui fait vivre. La nature qui fait vivre, posséder la nature. Donc vous publiez, Fabien Locher, cet ouvrage avec Frédéric Grabert aux éditions Amsterdam. Et vous avez réuni en fait des textes. Ce sont des textes qui viennent plutôt du monde anglo-saxon en fait. Ça veut dire que les Français sont un peu en retard sur cette réflexion d'histoire environnementale, ou ce sont des textes que vous vouliez absolument mettre en avant parce que ce sont eux qui ont lancé cette réflexion autour de l'homme et de l'appropriation de la nature. Alors, vraiment, le geste théorique qu'on a voulu faire avec Frédéric Grabert, c'est vraiment d'essayer de dire, voilà, la question de la propriété, elle est centrale elle doit être centrale dans les études environnementales. Elle est peut-être pas assez centrale. Il y a des traditions historiographiques en France, en Italie, par exemple, qui ont travaillé cette question de la propriété. Mais il nous semblait important de remettre la propriété dans le jeu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches sur l'environnement qui s'intéressent à un certain nombre de choses. Il nous semblait très important de réinterpréter, de revisiter cette grande question de la propriété avec cet angle environnemental. Parce que la propriété, aujourd'hui, en quelque sorte, est déstabilisée, on peut dire, par la crise environnementale. Et on peut tracer la généalogie de cela et arriver en quelque sorte à percer la carapace de la propriété, parce que la propriété, c'est une institution qui est caractérisée par son opacité, par sa dureté, par sa résilience, je l'ai dit tout à l'heure. Et pour percer l'opacité de la propriété, qui nous semble naturelle, évidente, ahistorique, il faut une sorte d'entrée. Et il nous a semblé que l'entrée de l'environnement était une très bonne entrée. La littérature anglo-saxonne avait bien travaillé cette question et nous avons voulu voilà, faire connaître à la fois des auteurs peu connus en France et aussi les apports hein, d'auteurs connus comme James Scott sur cette question. James Scott ou alors un auteur William Cronon qui ouvre l'ouvrage, donc Posséder la nature, il ouvre cet ouvrage et c'est vrai que nous parlons de la propriété privée mais cette propriété est visible dans l'espace. L'article de Cronon s'appelle Borner la terre et c'est vrai qu'on a tous lu Lucky Luke, mais les barbelés dans la prairie, mais c'est ça en fait, c'est la propriété privée, c'est aussi transformer l'espace en y mettant des limites. Alors c'est un texte formidable de William Cronon, un grand historien de l'environnement états-unien, où il montre, il étudie en fait la rencontre entre les Indiens de Nouvelle-Angleterre et les colons britanniques, avec cette incompréhension fondamentale que les Britanniques arrivent avec une certaine vision de la propriété, géométrique, cadastrale, tournée vers l'agriculture. Les Indiens, eux, ne pensent pas du tout la propriété en ces termes, ont une vision du rapport à l'environnement qui est basée sur le droit d'usage, sur des formes de souveraineté sur des espaces, sur le fait qu'ils se déplacent et utilisent les ressources qui sont à leur portée. Et donc on a une incompréhension fondamentale, alors elle est intéressante cette incompréhension parce qu'elle permet à Cronon de montrer que la propriété d'abord privée au sens occidental du terme est étrange. Ça lui permet de faire cette démonstration du caractère exorbitant, en quelque sorte, de la propriété privée à l'européenne. Et aussi de montrer comment la dépossession des Indiens s'est construite dans cette espèce d'incompréhension, puisque les Indiens signent des contrats de vente, mais sans avoir aucune idée de ce à quoi ils s'engagent, puisque ce sont deux cosmologies de la propriété complètement, de l'appropriation complètement différentes. Effectivement, plus tard, cela va se matérialiser en Nouvelle-Angleterre et ailleurs par des enclosures par le fil barbelé. Et Cronon montre dans une autre partie du livre de son livre sur les Indiens et la colonisation de la Nouvelle-Angleterre comment cette enclosure va en fait détruire les herbes autochtones qui sont écrasées par les sabots hein, du bétail et ce sont finalement des herbes européennes importées qui vont prendre le dessus écologiquement dans ces zones bornées par des clôtures. Donc voilà concrètement comment la propriété, l'appropriation et les infrastructures de la propriété peuvent transformer la nature sur une grande échelle. Fabien Locher, dans l'exemple que vous donnez, nous sommes plutôt au 19e siècle avec les Indiens d'Amérique du Nord et nous pouvons nous étonner de ce qui s'est passé. Mais pas tant que ça, en fait. Quand nous voyons qu'aujourd'hui, il se passe des choses peut-être similaires avec d'autres Indiens, ceux d'Amérique du Sud. La forêt amazonienne disparaît peu à peu derrière une épaisse fumée. Le résultat des centaines de nouveaux incendies qui se sont déclarés ces derniers jours dans la région. Un militant écologiste brésilien nous accompagne. Ces incendies sont provoqués par l'homme. Toutes les zones brûlées que vous voyez sont traversées par des routes. Il y a des machines agricoles qui amènent du bois sec pour être brûlées. Et qui fait cela ? Ça ne peut pas être les petits producteurs ou les indigènes. Ce sont forcément les grands exploitants. Ils ouvrent de nouveaux espaces dans la forêt pour l'industrie agricole. Cette culture du feu, elle avait disparu depuis quelques années. Mais elle est revenue, parce que quand Bolsonaro s'est porté candidat, il a dit qu'il rendrait cette zone productive et rentable en la mettant à disposition des producteurs. Fabien Locher, vous êtes historien chargé de recherche au CNRS. Quel regard vous portez sur ce qui se passe en Amazonie, vous qui travaillez sur l'histoire environnementale ? Alors, je trouve cet exemple vraiment très intéressant parce qu'il pose une question fondamentale. Dans les années 70, inspiré par un auteur américain qui s'appelle Aldo Leopold, les environnementalistes ont dit, voilà, on ne peut pas faire ce qu'on veut de sa propriété. Le monde est interdépendant. On ne peut pas impunément détruire une forêt sur une parcelle sans que cela soit rendu possible par des législations ou par le système social. Donc, ça pose la question suivante, est-ce qu'on est réellement propriétaire de façon absolue d'un bout de nature ? Et je pense que là, on a un exemple frappant. Ces grands propriétaires qui détruisent la forêt amazonienne par le feu, me semble-t-il, ne devraient pas, là je sors un peu de mon rôle d'historien, mais ne devraient pas pouvoir attenter ainsi à ce qu'on pourrait appeler un bien commun global, hein, étant donné la fonction écologique que remplit la forêt amazonienne. Et ça pose vraiment la question de la relativité de la propriété. La propriété, elle nous semble naturellement devoir être absolue, mais comme le disait Allo Léopold, comme le disaient les environnementalistes des années 70, eh bien, nous sommes simplement des gestionnaires temporaires de ces bouts de nature. Nous n'en sommes pas les propriétaires absolus. Notre durée de vie sur Terre, notre statut même de petite partie du biotope fait que nous ne devrions pas être autorisés, tout simplement, à user ainsi de ces bouts de nature. Et ça pose la grande question, la question peut-être la plus importante, la question de la régulation et des décisions collectives qui doivent définir les limites posées à la propriété. La propriété privée étant sacrée pour certains, une question se pose malgré tout. Fabien Locher, vous avez réuni ces textes dont possédait la nature, vous les avez commentés. Et quand on creuse un petit peu et qu'on regarde bien, on se rend compte que cette propriété privée qui est censée être vertueuse ne l'est pas du tout. C'est très dur d'être propriétaire privé quand on ne respecte pas certains codes sociaux qui correspondent aux attentes d'un pouvoir dominant. Pour simplifier les choses, on le voit très bien dans des études de cas qui ont été faites et que vous avez su réunir. Alors effectivement, c'est là où il faut vraiment nuancer, c'est-à-dire la propriété privée, c'est un archipel en tant que tel. Il y a des formes très différentes de propriété privée, la taille même de ces propriétés est très différente, et donc ça la pose des problèmes complètement dissemblables. Mais effectivement, une chose qui est très intéressante aussi, c'est que la propriété privée, elle semble absolue, elle est donnée comme absolue, mais on voit bien par exemple au moment de l'industrialisation, comment les États ont exproprié des petits propriétaires qui prétendaient utiliser simplement de façon paisible leurs propriétés. On les a expropriés pour implanter des usines, faire de l'assèchement de marais, faire de l'exploitation intensive. Et ça, c'est un texte de Morton Horvitz qui montre bien que les juges aux États-Unis au XIXe siècle ont joué un rôle fondamental dans l'industrialisation parce qu'ils ont commencé à dire, en fait, les critères de bonne gestion d'un bien qui étaient définis, qui étaient en fait ceux de la gentry anglaise du XVIIIe siècle, c'est-à-dire l'idée que ce qui était normal, c'est de jouir de sa propriété de façon paisible, sans nuire à son voisin. Eh bien, on allait abandonner ce critère pour dire que le critère fondamental, le critère de normalité dans la gestion d'une propriété, c'était le critère de productivité, de développement, avec vraiment l'idée que voilà, il fallait en quelque sorte faire passer la propriété des propriétaires les plus, disons, paisibles et les moins développementalistes. Eh bien, aux intérêts du capital et puis au camp, en quelque sorte, des investisseurs. Et donc, la propriété elle-même, en quelque sorte, est donnée comme absolue, souvent donnée comme absolue, mais il faut bien voir qu'en réalité, ce caractère absolu est relativisé par la vision, que la vision dominante au sein d'une société de ce qu'on doit faire de la nature et de la trajectoire économique que doit emprunter le collectif. Puis Fabien Locher, vous l'avez bien dit, il y a comme une carapace épaisse autour de la propriété privée. Pour poursuivre justement notre réflexion sur cette propriété dans un contexte de crise environnementale, vous restez avec nous, nous allons discuter dans quelques temps avec un ethnologue Jivaro par le truchement d'Alexandre Pinocchi. En attendant, Björk. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Björk qui chante Virus sur l'album Biophilia, l'amour de la vie, ça c'est très beau, le cours de l'histoire, une émission réalisée par Perrel Legras avec aujourd'hui à la technique Valentin Bobinet. Et nous poursuivons cette réflexion sur une question qui fait mal en ce moment, en pleine crise de l'environnement, la question de la propriété privée avec un regard particulier, votre regard, Alessandro Pignocchi. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chercheur, vous avez fait des recherches en sciences cognitives, en philosophie, et donc c'est par la bande dessinée que vous attaquez à ces questions complexes et notamment par le regard sur notre société que pourrait porter un ethnologue Jivaro. Déjà, vous pouvez nous rappeler qui sont les Jivaro? Les Jivaros, c'est une ethnie indienne d'Amazonie qui est présente dans l'imaginaire collectif occidental depuis longtemps à cause de la coutume des têtes réduites qui fascinait les premiers explorateurs. Alors ça, ils le font plus. Et ce qui est plus important pour moi que les têtes réduites, c'est aussi la tribu amazonienne dans laquelle qu'a étudié l'anthropologue Philippe Descola à la fin des années 70 et qu'en a attiré un certain nombre de travaux assez fascinants et qui sont pour moi le point de départ de toutes ces réflexions-là. Qu'est-ce qui vous a attiré dans les travaux de Philippe Descola, donc un anthropologue qui a beaucoup travaillé sur les Jivaro? C'était quoi, d'un seul coup, l'attrait, l'intérêt soudain sur ces ethnies? L'intérêt intellectuel général, alors au-delà de l'intérêt exotique, fascinant, que peuvent avoir des récits le récit des trois années qu'il a passé avec sa femme Anne-Christine Taylor chez les Jivaro, l'intérêt intellectuel, c'était cette idée que maintenant on traduit d'une façon un peu punchy en disant que la nature n'existe pas, quoi. La nature, donc comme la propriété privée, nous semble complètement évidente, si évidente qu'on a l'intuition que c'est un élément réel du monde qui est tel quel et que nous on ne fait que percevoir et retranscrire par des mots quelque chose qui existe objectivement. Et en fait, grâce à l'anthropologie et notamment l'anthropologie amazonienne, on s'aperçoit que ça n'est pas du tout un concept universel et que chez les Jivaro, il n'y a pas le moindre trace d'un concept qui ressemblerait à notre idée de nature, pas plus d'ailleurs que dans toutes les autres ethnies amazoniennes. Moi, ça a été ça, de lire cette phrase dans Les Lances du Crépuscule d'Escola, que dans aucune langue amazonienne, qui sont pourtant diverses et d'origine très variée, on ne trouve un équivalent qui pourrait permettre de traduire notre mot de nature. Et donc ça, c'est ce petit vertige intellectuel qui se produit quand l'anthropologie fait bien son travail, ou l'histoire d'ailleurs, hein, c'est ce que vous disiez, quoi. Je crois que c'est Paul Vane qui disait que le rôle de l'historien est de donner à la société dans laquelle il vit le sentiment de la relativité de ses valeurs. Et dans ce cas-là, l'anthropologie est une sorte d'histoire dans l'espace, hein, ou l'histoire de l'anthropologie dans le temps. Mais en tout cas, le rôle, le but est le même, c'est de donner des contrepoints, des outils intellectuels qui permettent de rendre pensables pour nous des choses qui sinon seraient si évidentes que on ne pourrait même pas les penser. Donc là, c'est le cas de la nature. Moi, évidemment, j'étais ornithologue, donc je disais que j'étais très amoureux de la nature, tout ça, et j'avais jamais envisagé que ce concept puisse être une construction sociale. Et quand on lit ça, évidemment, ça ouvre, puisque quasiment l'intégralité de notre rapport au monde, de la façon dont on organise nos concepts de progrès, de travail, etc., dépendent du concept de nature et de la distinction entre nature et culture. Quand on découvre que cette distinction-là est relativisable et qu'elle ne va pas de soi, ça ouvre des perspectives intellectuelles. Vraiment, on est pris de vertige. Donc c'est ce sentiment intellectuel-là qui a été le point de départ. Encore une fois, pour quelqu'un qui se disait passionné par la nature, ça fait particulièrement de l'effet d'apprendre ça, quoi. Alors, on peut vous retrouver, Alessandro Pignocchi, sur votre blog Puntish, mais aussi dans des romans graphiques, il y en a de magnifiques, ils sont tous magnifiques, mais Anent, alors ça, ce sont les nouvelles des Indiens Jivaro, ça a été publié chez Stenkins, ou alors d'autres romans, Recomposition du monde, et là, on est beaucoup plus proche de nous sur Notre-Dame-des-Landes et sur la ZAD, ou la cosmologie du futur, et donc votre univers, Alessandro Pignocchi, vous avez fait intervenir un personnage, ce personnage, c'est un ethnologue Jivaro, très très loin du cliché qu'on pouvait en avoir dans les actualités françaises. Parti d'Anvers le 16 avril 1936, la première expédition française dans le Haut-Amazon débarqua un mois plus tard à Guayaquil, port principal de la République de l'Équateur. Voici Bertrand Flournoy, chargé des travaux d'ethnologie. Jean de Guébriand, géographe. On oublie devant la perfection de ce travail l'horreur du dépouillement. Les doigts modèlent la tête et lui rendent une forme humaine. Entre la Tsantsa, non Jivaro de ses trophées, et la tête des vivants, la différence est une affaire de proportion. De deux tiers plus petite, plus rétrécie dans le sens transversal, le nez et les lèvres proéminentes, la chevelure généralement longue, les oreilles finement ourlées, tels nous apparaissent ses visages, parmi lesquels une tête de blanc. les actualités françaises qui évoquent une expédition en 1936 partie à la recherche des Givarots et qui nous sert tous les clichés, mais les clichés sont parfois nécessaires. En l'occurrence, ce sont les têtes coupées. Vous, Alessandro Pinocchi, votre ethnologue Givaro n'est pas du tout dans ces clichés, c'est-à-dire qu'il vit chez nous, en l'occurrence en banlieue parisienne, plutôt à l'est, à Bois-le-Roi. Il regarde notre société. Faut le dire, hein, parce qu'on peut retrouver ça dans vos livres et sur votre blog, Puntish, mais c'est très drôle aussi. C'est très drôle. C'est ça la motivation première. Faut pas exagérer l'ambition théorique de ce travail. La motivation première est quand même de faire des blagues absurdes et débiles avec des concepts habituellement plutôt rébarbatifs. Donc c'est quand même ça l'ambition de fond. Mais ensuite, oui, c'est d'utiliser encore une fois, l'exercice de pensée élémentaire de l'anthropologie, de fonctionner par contrepoint pour rendre non évidentes des choses qui le sont. Et donc ce qui est... Alors, ce que vous n'avez pas dit, c'est que cet anthropologue Givaro vient étudier Bois-le-Roi, mais aussi parce que le naturalisme occidental, donc cette pensée qui aujourd'hui est dominante dans le monde, qui distingue la nature de la culture, qui fait de la nature un objet, en gros, est devenue la culture menacée de disparition. L'animisme envahit la planète, et donc cet anthropologue Givaro tente, avec ferveur et passion, de sauver les dernières enclaves sur le territoire français où survit la cosmologie occidentale et donc le capitalisme, la propriété privée, etc. Il est complètement fasciné pour tous ces concepts qui jouent sur lui le même pouvoir de fascination que sur nous peuvent jouer les concepts en vigueur en Amazonie. Quoi. Et cet ethnologue, quand il se rend sur le marché de Bois-le-Roi, il est très étonné du commerce, des échanges. Il ne parle pas de commerce, il parle d'échanges où tout est quantifié, mais dans le même temps, il aperçoit, nous sommes en campagne électorale, des affiches où ces tribus mettent en grand leur chef avec sans doute des offrandes et l'on fait des inscriptions. Bon, en fait, ce sont les insultes gravées, mises sur les affiches électorales. Il y a quand même un véritable plaisir à jouer avec cette mise en abîme ou ce miroir où nous sommes regardés de l'extérieur, ce qui est un classique d'ailleurs, depuis Montesquieu, être regardé par l'extérieur. Mais derrière cela, il y a aussi une volonté de dire ce que nous sommes. Cet ethnologue Givaro, il nous perçoit comment c'est notre rapport à la nature. Alors, il s'en amuse, mais il est étonné. Oui, mais là, il l'a pas encore vraiment bien saisi. Il est au tout début de ses recherches. Il est comme Descola qui passe sa première année chez les Givaro et qui pense encore que les Givaro sont proches de la nature, parce qu'il a pas. Donc là, il est et une des choses qui est à la fois difficile dans cet exercice de l'anthropologue Givaro qui nous étudie et amusante, c'est que ce qui le fascine, ce qui retient son attention, sont des détails qui n'est pas du tout pertinent. Enfin, c'est pas une critique, il va pas, son attention va pas être attirée par, j'en sais rien, les écrans, les voitures, la consommation de masse, etc. C'est des petits détails qui nous semblent complètement anodins, qui non seulement captent son attention, mais en plus à partir desquels, comme il est un petit peu trop enthousiaste, il a envie, comme tout anthropologue, en tout cas, qu'est-ce qui a été mon cas, qui arrive sur le terrain, on est habité par tout ce qu'on a lu, tous les textes, toutes les monographies qu'on a lues, et donc on veut voir derrière chaque petit élément de la vie quotidienne, une manifestation de cette cosmologie exotique qui nous fascine. Donc lui fait la même chose, derrière le café, un jeu à gratter, etc. etc. Et donc c'est... Oui, c'est ça. C'est pas l'objectif premier, pas de faire une espèce de dénonciation au premier degré des travers de notre société. Quoi. C'est plus et parce que de fait, c'est ça qui est amusant quand je suis chez les Givaro, c'est que les questions qu'ils me posent et Descola raconte la même chose sur notre monde sont pas du tout celles auxquelles on s'attend. Quoi. C'est pas les grands mouvements, les grands ensembles, les grandes structures. C'est des micro détails qui, parce que ça s'intègre d'une façon ou d'une autre dans leur cosmologie, ont retenu leur attention et leur curiosité. Quoi. Fabien Locher, vous avez réuni des textes venus d'horizons différents, en fait. C'est selon les cultures, où on passe, on va de l'Indonésie en Amérique du Nord, on est un peu partout avec des approches différentes. Ce regard pluridisciplinaire porté sur un sujet est nécessaire, est une obligation pour essayer de comprendre des phénomènes aussi complexes que le rapport de l'homme à l'environnement. C'est absolument nécessaire, surtout pour traiter de la propriété, il faut absolument faire ces espèces de pas de côté, avoir ces contrepoints qui nous permettent de prendre de la distance, de regarder la propriété, voilà, au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, dans le contact entre Indiens et colonisateurs, dans le contexte de l'Indonésie des années 1960, mais aussi dans toutes sortes d'autres contextes, de l'Ancien Régime en France, par exemple. Et c'est très important, je pense, de faire ce pas de côté lorsque nous devons interroger des institutions aussi importantes, puissantes et centrales, la propriété étant peut-être la plus centrale d'entre elles. Et alors, ce livre aussi m'évoque des choses qui qui ont été discutées hein, par les historiens. La recomposition des mondes d'Alessandro Pinocchi. Exactement. Je me posais la question là. Est-ce qu'on ne peut pas aussi trouver dans la modernité occidentale des traces d'animisme, y compris dans l'histoire de cette modernité? Bruno Latour avait dit « nous n'avons jamais été modernes ». Lui, il prétendait qu'il y avait effectivement dans notre culture même des présences de type de non-humains. Hein. Est-ce que l'enquête pourrait être poursuivie dans ce sens? C'est une interrogation. De toute façon, il se passe des choses dans notre monde que nous ne voyons pas ou que nous écartons et qui de temps en temps surgissent à la une des informations. Ces légumes ont été produits sur zone, essentiellement d'un chantier collectif qui s'appelle Le Rouge et Noir, pour le non-marché hebdomadaire qui a lieu donc tous les vendredis à 17h. L'idée c'est que le prix est libre, que ce soit une petite pièce ou une grosse pièce ou un billet, c'est pas un problème. Quoi. Si jamais par exemple la personne n'a pas de sous cette fois-ci, bon bah elle prend quand même ses légumes et puis l'idée c'est qu'au final on arrive à s'en sortir. Quoi. Il n'y a personne qui va regarder qu'est-ce que vous mettez dans la caisse. Personne ne regarde. C'est pas un lieu qui est fermé, comme on va vivre en autarcie, on va produire nos légumes et puis on ne veut absolument pas du reste du monde. Nous avons aussi des camarades qui viennent de Rennes et qui participent à des chantiers céréales qui font pousser donc des céréales sur zone, c'est ce qui fait qu'on a du pain. On est en complète interaction avec tout ce qu'il y a autour de nous. Alessandro Pinocchi, nous venons d'entendre parler de ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes. Ce qui se passe encore. Ce qui se passe encore, vous avez raison, de manière différente de ce que l'on présente bien souvent. Vous avez écrit, réalisé, offert ce roman graphique sublime de l'aquarelle. C'est beau l'aquarelle. La recomposition des mondes au seuil, c'est votre expérience à Notre-Dame-des-Landes. Vous avez porté un regard particulier justement sur le rapport qu'entretiennent donc ces hommes, ces femmes avec la nature. Mm-hmm. C'est particulièrement fascinant que justement on vient de l'anthropologie et de l'anthropologie de la nature en particulier. Parce que pour revenir sur cette idée que l'anthropologie, notamment amazonienne, rend pensable des choses qui sans ça ne le seraient pas, là quand on parle de propriété, on va opposer propriété privée et gestion commune des ressources en parlant de la nature. Mais dans les deux cas, on a une nature objectifiée que soit on possède, soit on gère en commun. Pour un Indien Jivaro, la question de se poser, ce serait absurde de se poser dans cette dichotomie-là si on parle de la forêt. Alors il y a évidemment une propriété privée chez les Jivaro, mais quand on parle de la forêt, des animaux sauvages, etc., ça n'est ni des objets appropriables, ni des communs à gérer collectivement, c'est des êtres sociaux à laquelle on attribue une intériorité, un point de vue, des intérêts propres. Et donc la relation entretenue avec eux n'est pas une relation de gestion, mais d'interaction sociale, où on négocie diplomatiquement avec d'autres êtres qui sont dotés effectivement d'intérêts propres. Et ce qui est fascinant sur la ZAD, c'est que c'est une cosmologie de ce type qui est en train d'émerger, où certes, il reste des éléments qu'on désigne sous le terme de ressources gérées collectivement, etc. Mais par contre, les non-humains, milieux de vie, forêts, prairies, animaux, plantes, etc., qu'ils soient domestiques, sauvages ou quelque part entre les deux, de par les liens affectifs extrêmement forts qui se sont tissés sur place. Alors c'est théorisé par certains habitants de la ZAD, très théorisé, Descola est très discuté sur place, pas du tout pour d'autres, c'est très spontané, et c'est ça presque est le plus fascinant, c'est cette émergence spontanée d'un rapport au monde où là aussi la nature n'existe plus, et où les non-humains sont spontanément considérés comme tissés dans le maillage de la vie sociale, et ça change tout, effectivement. Et avec une nuance importante, moi je reprends vos mots dans la recomposition des mondes, attention, ce n'est pas un grand tout. Ça nous énerve, ça, quand on dit que c'est un grand tout. Oui, il n'y a pas de... C'est pas un grand tout. Le problème du grand tout, j'imagine, c'est un peu une... C'est que c'est une simplification intellectuelle de dire que tout est lié, etc. C'est pas du tout le cas. Là, on est... face à un bouillonnement, en plus ça tend à tout unifier, etc. On est dans un espèce de, comme en Amazonie, dans un bouillonnement de relations sociales avec des antagonismes, et tout n'est pas du tout harmonieux. Justement, les Jivaro ont des relations avec les animaux de la forêt, notamment, qui reflètent celles qu'ils ont entre eux, et donc qui peuvent tout à fait être conflictuelles. Mais en tout cas, l'autre est considéré comme un sujet, et pas comme un objet inerte et appropriable. Et du coup, oui, c'est... voir l'émergence d'une qui ressemble évidemment pas du tout à l'animisme amazonien. Ça serait absurde de dire que les zadistes sont que sur la ZAD les gens sont animistes, mais néanmoins de voir une espèce de cosmologie nouvelle avec toutes ces variantes, parce qu'évidemment il y a des points de vue très opposés aussi sur la ZAD, mais qui émergent comme ça, c'est

Ce que l'on entend de ces anciens tueurs, c'est le grand espoir que constitue la mafia lorsqu'elle apparaît comme l'ascenseur social le plus accessible pour certains. C'est le procureur Giuseppe Ayala, proche de Falcone et Borsolino, les procureurs du maxi-procès, tombés sous les balles de Totorina, qui conclut « Si l'âge d'or de la mafia sicilienne est derrière elle, elle n'a pas dit son dernier mot. » Elle n'a pas dit son dernier mot. Merci beaucoup Anaïs Corleone de Moscou Levi Bucco. C'est en streaming gratuit sur Arte, évidemment. Ah, la mafia, l'étape ultime de la propriété. Mais le documentaire ne parle pas des relations de la mafia avec les animaux, justement. Alessandro Pinocchi, vous voulez réagir ? Alors non, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'entendre. La transition est difficile. Non, c'était pour finir sur ce que j'étais en train de dire avant, sur l'espèce d'ébauche d'un monde autre qui émerge sur la ZAD. C'est juste pour faire un peu de pub et signaler aux auditeurs que la ZAD est en train de tenter de poursuivre son opération d'arracher ce fragment de bocage à la propriété privée et donc d'y mettre localement la sphère économique hors d'état de nuire. Et ils sont en train de tenter de racheter collectivement ces terres grâce à un fonds de dotation qui fonctionne sur le principe des dons sans contrepartie, donc qui ne sont pas en régime de propriété privée, pour pouvoir avoir une gestion collective sans propriétaire du bocage. Ça s'appelle la terre en commun. Et n'hésitez pas à faire une contribution. C'est ce que vous disiez, Fabien Locher, c'est que la propriété privée, parfois, peut sauver l'environnement. C'est pas systématique quand même à vous écouter. Un petit peu peur, mais enfin, en tout cas, on a des bons éléments de réflexion. Merci beaucoup Alessandro Pinocchi, merci beaucoup Fabien Locher, merci Anaïs Quien. Nous nous retrouvons demain. C'était Le Cours de l'Histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane Viudès et Camille André. Merci beaucoup. Une émission que vous pouvez tous réécouter en podcast ou sur le site internet franceculture.fr. Et demain, ce sera la colonisation par la racine. Et oui, l'expansion européenne n'a pas été seulement une domination des terres et des gens, elle a été une colonisation des savoirs et notamment des plantes médicinales.